leur fanée brûlée. Par la cruauté, soleil usé, cassé. Par l'humanité, cette terre qui s'use à cause d'une modernité. Il ne reste plus rien ici qu'un bouquet desséché de roses noires sans espoir, pétales flétris dans le brouillard. Les roses noires sans espoir, pétales. Avancer.